que nos cœurs t'élèvent ce soir. Alléluia. Alléluia. Jesus. Jesus. Avec cette soif que tu as au plus profond de toi. Oui Dieu, envoie ton esprit.